Daniel chapitre 5. Le roi Belsatsar fit un grand festin à 1000 de ses gentilshommes, et il buvait le vin devant ses 1000 personnes. Ayant un peu bu, il commanda qu'on apportait les vaisseaux d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son père, avait tiré du temple qui était à Jérusalem, afin que le roi et ses gentilshommes, ses femmes et ses concubines bussent. Alors furent apportés les vaisseaux d'or qu'on avait tirés du temple de la maison de Dieu qui était à Jérusalem, et le roi et ses gentilshommes, ses femmes et ses concubines y burent. Ils y burent donc du vin, et louèrent leur dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et à cette même heure-là, sortirent de la muraille les doigts d'une main d'homme, qui écrivait à l'endroit du chandelier, sur l'enduit de la muraille du palais royal, et le roi voyait cette partie de main qui écrivait. Alors le visage du roi fut changé, et ses pensées le troublèrent, et les jointures de ses reins se desserraient, et ses genoux heurtaient l'un contre l'autre. Puis le roi cria à haute voix, qu'on amenât les astrologues, les chaldéens, et les devins, et le roi parla, et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture, et me déclarera son interprétation, sera vêtu d'écarlate, et il aura un collier d'or à son cou, et sera le troisième dans le royaume. Alors tous les sages du roi entrèrent. Mais ils ne purent point lire l'écriture, ni en donner au roi l'interprétation, dont le roi Belsatsar fut fort troublé, et son visage en fut tout changé, ses gentilshommes aussi en furent épouvantés. Or la reine entra dans la maison du festin, à cause de ce qui était arrivé au roi et à ses gentilshommes, et la reine parla, et dit, roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent point, et que ton visage ne se change point. Il y a dans ton royaume un homme en qui est l'esprit des dieux saints, et au temps de ton père l'on trouva en lui une lumière, une intelligence, et une sagesse telle qu'à la sagesse des dieux, et le roi Nebuchadnezzar, ton père lui-même, au roi, l'établit chef des mages, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'un plus grand esprit, et plus de connaissances et d'intelligence pour interpréter les songes, et pour expliquer les questions obscures, et résoudre les choses difficiles, fut trouvé en lui, et cet homme, c'est Daniel, à qui le roi avait donné le nom de Belteshazzar. Maintenant donc, que Daniel soit appelé, et il donnera l'interprétation que tu souhaites. Alors Daniel fut amené devant le roi, et le roi prenant la parole, dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel qui est d'entre ceux qui ont été emmenés captifs de Juda, que le roi, mon père, a fait emmener de Juda? Or j'ai ouï dire de toi, que l'Esprit des dieux est en toi, et qu'il s'est trouvé en toi une lumière, une intelligence et une sagesse singulière. Et maintenant les sages et les astrologues, ont été amenés devant moi, afin qu'ils lussent cette écriture, et m'en donnassent l'interprétation, mais ils n'en peuvent point donner l'interprétation. Mais j'ai ouï dire de toi, que tu peux interpréter et résoudre les choses difficiles. Maintenant donc, si tu peux lire cette écriture, et m'en donner l'interprétation, tu seras vêtu d'écarlate, et tu porteras à ton cou un collier d'or, et tu seras le troisième dans le royaume. Alors Daniel répondit, et dit devant le roi, que tes dents te demeurent, et donne tes présences à un autre, toutefois je lirai l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'interprétation. Au roi, le Dieu souverain avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, le royaume, la magnificence, la gloire et l'honneur. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, et les langues tremblaient devant lui, et le redoutaient, car il faisait mourir ceux qu'il voulait, et sauvait la vie à ceux qu'il voulait, il élevait ceux qu'il voulait, et abaissait ceux qu'il voulait. Mais après que son cœur se fut élevé, et que son esprit se fut affermi dans son orgueil, il fut déposé de son siège royal, et on le dépouilla de sa gloire. Et il fut chassé d'entre les hommes, et son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages, on le paissait d'herbe comme les bœufs, et son corps fut arrosé de la rosée des cieux, jusqu'à ce qu'il connût que le Dieu souverain, a puissance sur les royaumes des hommes, et qu'il y établit ceux qui lui plaît. Toi aussi, Belsatsar son fils, tu n'as point humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, et on a apporté devant toi les vaisseaux de sa maison, et vous y avez bu du vin, toi et tes gentilshommes, tes femmes et tes concubines, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, et de pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne connaissent, et tu n'as point glorifié le Dieu dans la main duquel est ton souffle, et toutes tes voix. Alors de sa part a été envoyée cette partie de main, et cette écriture a été écrite. Or c'est ici l'écriture qui a été écrite, Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Et c'est ici l'interprétation de ces paroles, Méné, Dieu a calculé ton règne, et y a mis la fin. Tekel, tu as été pesé en la balance, et tu as été trouvé léger. Pérèse, ton royaume a été divisé, et il a été donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, par le commandement de Belsatsar, on vêtit Daniel d'écarlate, et on mit un collier d'or à son cou, et on publia de lui, qu'il serait le troisième dans le royaume. En cette même nuit Belsatsar, roi de Chaldée, fut tué. Et Darius le Mède prit le royaume, étant âgé d'environ 62 ans.